Bonjour à tous. Merci infiniment d'être ici aujourd'hui avec nous pour cette dernière rencontre avec les artistes de l'exposition Secrets de Fabrique. Nous avons le grand honneur et la chance d'avoir trois des neuf artistes présentes pour faire les présentations, pour associer les œuvres au visage. J'ai de suite à ma droite Delphine Ballet, au milieu Isabelle Jarousse, et tout à droite Marie Morel. Et aujourd'hui, on va profiter de leur présence pour un petit échange. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci d'éteindre ou mettre un silencieux les téléphones pour permettre l'échange tranquillement. C'est pas un souci. L'échange se déroulera pour une heure. Pour le moment, je commencerai à poser des questions, mais on laissera bien entendu un temps pour que vous puissiez directement poser les questions qui vous intéressent le plus. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion inédite parce qu'on a trois artistes qui pratiquent aussi trois techniques différentes. Du coup, on pourra vraiment plonger dans les coulisses de façon privilégiée pour découvrir vraiment ce qui se cache derrière leurs pratiques et leurs œuvres. Sans plus d'hésitation, j'aimerais bien commencer à poser une première question concernant vraiment les épisodes clés qui ont marqué en quelque sorte votre carrière et les thématiques que vous fascinent le plus en général dans vos œuvres. Qui est-ce qui voudrait commencer? Ben, ça sera toi qui commenceras. Je sais, moi, alors, j'ai toujours du mal. C'est quoi la question? Les épisodes clés de votre carrière et les thématiques qui vous fascinent le plus? Les épisodes clés, alors justement, c'est très... En fait, je viens d'écrire un texte pour une autre exposition et justement, on me demandait mon parcours d'artiste. Et je me suis retrouvée devant un parcours d'artiste. J'ai lu un petit peu ce que d'autres artistes... Et puis, ils voulaient que mon parcours d'artiste soit par rapport, justement, qui c'étaient mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, de quel milieu je venais, tout ça. Et moi, je ne me suis pas du tout sentie là-dedans, mais pas du tout, du tout. Ça ne regarde personne, à la limite, à peine moi. Et j'ai essayé de me rappeler, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais marquer dans ce parcours d'artiste? Je me suis dit, la première question la plus importante, c'est quand est-ce que j'ai décidé de vouloir être artiste? Parce que moi, c'était ça, je voulais être artiste. Mais en fait, je n'avais aucune idée de ce qui était là, puisque ça, je ne l'ai pas marqué par contre. Je peux le dire à l'oral. Il n'y avait pas d'art dans ma famille. Enfin bon, mon papa était à... Ah ben si vous me coupez la parole, déjà que j'ai du mal à la... Oui, mais je... Ok, là ça va mieux? Oui. Là ça va mieux? Oui. D'accord. Bon, alors je vais essayer d'être... Voilà, donc je me disais à quel moment j'ai décidé de devenir artiste. Pourquoi j'ai voulu être artiste? Pourquoi j'ai pas voulu être boulangère ou je sais pas moi, autre chose. Et là, j'ai fait un petit peu justement dans l'enfance, parce que souvent c'est dans l'enfance que ça se passe. Enfin bon, du moins, il fallait bien commencer par quelque chose, j'ai commencé par l'enfance. Et là, je me suis rappelée d'un fait. Pendant des années, je pensais à ce fait-là, parce qu'en fait, j'ai eu des petits traumatismes, comme beaucoup d'enfants ont, bien sûr. Mais je me suis aperçue qu'en fait, ce traumatisme a déclenché autre chose et a ouvert d'autres portes et a ouvert la porte de la création, en fait. Et ça, je ne m'en étais jamais aperçue jusqu'à maintenant, en fait. Je n'avais pas vu ces portes qui s'étaient ouvertes à ce moment-là. Je voyais la victime, mais je ne voyais pas ce que ça avait produit. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant, quoi. Ça m'a bluffée. En fait, d'écrire, c'est vraiment important parce qu'on arrive à détecter certaines choses grâce à l'écriture, grâce au fait de devoir mettre un mot après l'autre pour pouvoir expliquer certaines choses. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais donc à l'école primaire. où je bon bref, c'était pas très facile pour moi parce que l'institutrice, je sais pas pourquoi, elle me tapait dessus tout le temps. Je pense que c'est plutôt qu'elle savait pas trop enseigner, donc c'était plus facile de donner des bofs que d'apprendre vraiment, bref, que d'enseigner. Et donc au moment où je faisais du dessin l'après-midi, elle me laissait tranquille et je pouvais enfin souffler, quoi, en fait. Et c'est en soufflant, justement, où je me suis aperçue qu'en créant, qu'en dessinant, qu'en étant dans ma peinture, je me retrouvais et je me recentrais. Et j'ai pu partir dans d'autres mondes. Je me suis aperçue que je pouvais partir dans d'autres mondes, sans, loin des adultes, en tout cas. Et je pense que c'est à ce moment-là où ça s'est déclaré, en fait, le fait de vouloir être artiste. Et après, ça m'est jamais, c'est jamais parti de ma tête. Et j'ai continué les années. Donc là, je vous parle, je dois avoir quel âge, 9-10 ans, je ne sais pas, je n'ai plus l'âge. Et puis ensuite, j'ai toujours décidé, je voulais être artiste, et j'ai tout fait. Donc mon parcours ensuite, même si j'ai eu des embûches, l'idée c'était de continuer, d'être, pour moi artiste, c'était d'aller à l'école des Beaux-Arts, ou du moins de... il fallait bien que je trouve une sortie, que je parte de ma belle campagne qui était la Lozère. Et voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai décidé d'être artiste. J'ai ouvert des portes et ces portes-là, je les ai suivies, je continue à les suivre. Et voilà, j'ai répondu à la question. Oui, une seule chose, les thématiques. Alors, thématiques. Les thématiques principales de votre travail. Je n'ai pas, moi. Moi, je fais par rapport à ce que j'ai envie de faire. Sur le moment, donc en fait, si, peut-être la thématique, c'était un petit peu ce traumatisme par rapport au fait que je, par rapport à l'écriture, je me suis inventé quelque chose de complètement nouveau, donc je me suis même inventé un alphabet graphique, et cet alphabet graphique, je l'ai toujours, je travaille toujours par rapport à ça, il évolue évidemment au fur du temps, vous en êtes un petit peu aperçu en voyant mon travail qui est là-bas, et voilà, je travaille par rapport à ça, je ne passe pas spécialement, c'est-à-dire moi je ne passe pas, c'est mathématique, c'est ça. C'était ça la question. Oui, très bien. Et sinon, j'ai toujours été fidèle au papier, un papier que je fabrique et qui pour moi c'est très important. Merci. Voilà. Vous pouvez choisir. Ok, tu veux passer la dernière. Non, ouais, comme ça je vais pomper. Ouais, ça marche. Alors bonjour à tous et à tous. Si on doit partir un peu depuis l'enfance, toujours un peu un pied de côté, du mal avec la réalité, donc toujours une forme de divagation. Et en fait, à chaque fois, moi je fais de la photographie, et à chaque fois, c'est l'idée de refaire le monde, ou refaire sa vie, ou refaire, voilà. Les paysages, ça passait par la photographie. C'est-à-dire qu'en fait, la photographie posait problème quand j'étais petite parce que ça figeait les choses dans les albums. C'était organisé, on vous racontait une histoire par le filtre des photos. Donc il y avait toujours, il fallait recommencer l'album de photos. Donc je recollais les photos dans ma tête, donc souvent en m'endormant, je faisais ça. J'arrivais jamais à imaginer la suite parce que c'était un peu trop long déjà. Donc ça, c'était le rapport à l'image qui arrivait assez rapidement. Et ensuite, on va dire qu'il y a eu un événement un peu clé, c'est que j'ai déménagé, en fait, à 12 ans, et je suis passée d'un appartement assez normal, avec des meubles de l'époque, des années 80, et j'ai déménagé dans une vieille maison que mes parents avaient achetée, qui était une maison qui avait été toute restaurée à l'ancienne, c'est-à-dire les propriétaires d'avant avaient vraiment... recréer des peintures, des peintures bleues, il y avait des meubles qui étaient incrustés comme ça dans les murs, c'est une vieille maison en pierre complètement isolée, et en fait il y avait des pièces qui étaient nommées comme la salle à manger, le grand salon, il y avait deux pièces un peu comme des pièces d'apparat, vous voyez, quand on rentre c'est des pièces dans lesquelles on fait rentrer les gens et qui sont toujours bien rangées et joliment décorées, et ça m'a marquée. Parce que je passais d'une maison, on va dire, normale, habitable, fonctionnelle, à un lieu qui devenait comme une sorte de décor. Mais vraiment un décor et une bascule, et anachronique, parce que d'un coup, je me retrouvais dans un autre temps. Et ça, je n'ai pas pris la mesure de ça, mais j'ai compris un peu comme comme ce que tu dis, au détour d'une question qu'on m'a posée. Et j'ai compris que cette maison, en fait, avait été un point crucial, puisqu'en fait, les premières photos que j'ai faites quand j'ai terminé mes études, la première chose que j'ai fait, j'ai arrêté la photo pendant 2 ans après mes études, et je suis retournée, c'est la maison familiale, dans cette maison, et là, je me suis mise à l'observer comme un visiteur. Et cette maison avait une particularité, ça venait de ma maman, qui conserve énormément d'objets, qui avait des collections de plein d'objets de tasses, de porcelaine. Et donc, quand on rentrait dans la maison, elle était vraiment organique parce qu'en fait, c'était un vieux plancher. Et quand on marche, ça faisait vibrer toutes les porcelaines. Et ça, c'était comme une maison d'un coup qui devenait autre chose et qui devenait un espace de création. Donc, très rapidement, par rapport aux thématiques, pour moi, l'évidence, c'était dans cette maison, elle abrite quoi ? Une famille. Et une famille, c'est quoi ? Parce que ce n'était pas l'idée de faire quelque chose sur ma famille à moi, mais une famille, c'est une micro-société qui a ses fonctionnements propres, ses codes, ses rituels, c'est la manière aussi dont elle se représente. Et je me suis dit, j'aime beaucoup la peinture, j'étudie l'histoire de l'art et la tradition du portrait, et je me suis dit, en tant que photographe, je peux travailler sur ces systèmes de représentation et la famille dans cet écrin, dans cette maison qui est aussi un décor, ça m'intéresse. Donc j'ai commencé à développer ça, des thématiques autour de la famille, de ces petites sociétés. Et ensuite, assez rapidement, j'ai élargi cette thématique à plus au groupe humain, en fait, et à la manière dont, toujours dans l'idée d'un décor, c'est comment, pour comprendre la réalité qui nous entoure, finalement, il faut qu'on fasse groupe et qu'on mette en place des rituels, des codes, qu'on fabrique des objets, qu'on mette en scène le réel à travers des rites, donc rites sociaux, rites populaires, etc. Donc voilà, de la famille, ça m'a amené vers une approche plus autour des sciences humaines. Voilà. Très bien. Et la thématique ? Je viens de le dire. Ah, pardon, je voulais dormir. Si tu m'écoutais, Marie. Ça commence mal pour moi. Bonjour. Alors moi, j'espère que je ne vais pas vous choquer. Mais ça a commencé dans un lit. Entre un homme et une femme qui ont fait l'amour. Mes parents. Et ils m'ont conçue. Et je savais que j'étais peintre. Je savais, dans le ventre de ma mère, je le sentais, j'étais peintre. Je suis arrivée sur Terre 9 mois après, j'étais peintre. Mes premiers regards étaient des regards de peinture, mais d'un peintre. Et dès que j'ai eu environ 1 an et demi, peut-être 2 ans, mes premiers dessins datent d'un an et demi, 2 ans, j'ai commencé à travailler tout simplement. Voilà. Et contrairement à beaucoup de peintres, je n'ai jamais voulu être peintre. J'étais peintre. Je suis née peintre. Et je mourrai peintre. Voilà. Les thématiques. J'ai 3 grandes thématiques. La première, c'est un émerveillement du monde. Donc c'est un regard sur le monde, à la fois philosophique, poétique, visuel. Ça peut être la forêt, ça peut être la mer, ça peut être le regard, ça peut être l'amour, ça peut être des tas de choses. Ma deuxième thématique, c'est que je suis une femme très engagée pour les droits humains, pour la justice, pour un monde meilleur. Donc, beaucoup de mes peintures, au moins un tiers de mes peintures, seront des peintures militantes. Là, je viens de finir une peinture sur les SDF, une peinture sur les migrants qui se noient dans la mer. Je viens de terminer aussi une grande fresque de 21 mètres de long pour rendre hommage aux femmes dont on n'a pas parlé dans les siècles passés et qui ont laissé une œuvre. Mais on les a complètement oubliés. Donc voilà la deuxième thématique. Et la troisième, c'est l'érotisme. Je suis une femme aussi engagée dans l'érotisme parce que je trouve que c'est une des choses les plus importantes de la vie. On le voit partout, on le voit dans les plantes, on le voit dans les microbes, on le voit dans les étoiles. tout naît, se reproduit et meurt. Et pour moi, c'est ça l'érotisme. Bien sûr, je le travaille beaucoup au travers de l'être humain, puisque je suis un pauvre petit être humain, donc j'ai ma personne pour savoir comment ça se passe, mais je le travaille aussi dans ce que je vois, dans les plantes, comment les plantes se reproduisent, la sexualité du vivant, j'appelle ça. Voilà, stop, c'est fini. Merci beaucoup pour ce début pétillant. Et on continue avec une autre question qui est vraiment reliée à notre exposition en ce moment. Parce on a un choquet des fois. Et ici, justement, on a une exposition qui est partie du fait qu'on a acquis des œuvres qui vous appartiennent. Et l'exposition a été complétée ensuite par des prix personnels à certaines fois ou de la part d'autres institutions. Et on s'est demandé justement si il y avait une des œuvres que vous avez exposées ici qui vous a demandé des recherches, des efforts particuliers pour l'achever, pour la réaliser et pourquoi. Voilà, si vous pouvez nous expliquer ça. Ah oui, parce que moi j'ai aucune recherche. Alors moi j'en fais beaucoup des recherches. Je pense que j'avais un souci de légitimité, donc je pense que je suis retournée à l'école en faisant de l'art en fait, parce que j'écoutais pas assez à l'école. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'entre dans un travail, c'est comme un travail d'enquête. Donc au départ, la grosse complexité, enfin la chose la plus compliquée, c'était de trouver des lieux pour faire mes photos. Donc c'était ça l'enquête principale, c'est trouver des lieux qui exprimaient ce que je souhaitais mettre dans mes images, un peu comme l'esprit du lieu, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé aussi à être plus attentive ou à comprendre un peu plus mes thématiques, d'où ça venait et à creuser, j'ai rapidement, je me suis beaucoup, mise à beaucoup lire, alors dans différents champs. Au départ, c'était beaucoup de la littérature et après, ça allait beaucoup vers les sciences humaines. Et par exemple, pour le travail qui est exposé ici, ben, y a, dans la vitrine, il y a un livre de Jonathan Crary qui raconte en fait un peu toute l'histoire de notre position en tant qu'observateur du monde via en fait, des objets qui ont été mis au point, tous ces objets qui sont photographiés ici, praxinoscope, bande stéréoscopique, tous ces objets qui sont entre science et spectaculaire. Et donc, par exemple, avant de travailler sur cette série, j'ai étudié pendant 6 mois, recherché, rencontré des personnes qui travaillaient, par exemple, autour des questions de la croyance, de croyances plutôt marginales, on dit sectaires, mais voilà, marginales, à côté. C'est vrai que ça a été 6 mois de recherche, parce que déjà, ça m'intéresse, et parce que j'ai comme toujours besoin d'ancrer un travail artistique dans une forme de recherche plus universitaire. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai demandé un jour l'autorisation à une peintre. Est-ce que j'ai le droit d'inventer ? Parce que la photographie, on a toujours un rapport au réel et c'est comme interdit pratiquement. Enfin, il y a quelque chose de l'interdiction. Où je trouvais que dans la peinture et dans le dessin, il y avait une liberté de... Voilà, de pouvoir montrer ce qu'on a envie de montrer, que la photo, il faut toujours se coller au réel, quoi. Donc je pense que dans la démarche, c'est vrai que je suis très vite allée du côté des recherches un peu fastidieuses. Ah, ça sera court. Parfois, j'ai des peintures où il y a de la recherche, c'est-à-dire sur les femmes oubliées. J'ai trouvé 2000 femmes créatrices oubliées. Là, il y avait de la recherche. Mais la plupart de mes peintures, il n'y a aucune recherche. Elles sont en moi, je les connais avant de les avoir faites, et je les fais tout simplement, je travaille. Alors, concernant la recherche, c'est à chaque dessin, c'est une nouvelle recherche. On pourrait ne pas avoir l'impression, puisque quand même, on voit bien qu'il y a un travail de dessin qui est un peu... Il y a une suite quand même, mais c'est vraiment ça, je suis toujours novice devant la feuille blanche, et donc la recherche, c'est déjà une certaine concentration, c'est une certaine laisser aller dans la création, en fait. Et j'ai l'impression que je ne vais pas répondre au sujet, mais en fait, ce n'est pas grave. Et donc, ma recherche, c'est dans chaque dessin, il y a une nouvelle recherche. C'est-à-dire, c'est toujours nouveau pour moi. C'est toujours, j'ai toujours peur parce que, enfin peur, c'est pas peur, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Je suis toujours la gamine, en fait, de 6 ans qui a été brimée, en fait. C'est affreux, mais c'est comme ça. Et je me laisse emporter. Alors, soit je peux regarder des images, ou soit je peux regarder... À un moment donné, je regardais des petits personnages, il y en a dans la vitrine, des petites amulettes où je me suis laissée imprégner. Je pense que j'ai un rapport à l'objet qui est assez... enfin, je me laisse emporter, on va dire, on va parler de ce mot-là. Et peut-être dans l'histoire de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et j'ai une idée de construction, c'est peut-être un format. Et après, c'est parti. À un moment donné, je sens que ça part. Et c'est parti. Et là, je ne pense plus à rien. Et je dessine, je construis. Mais la recherche, c'est à chaque fois, à chaque dessin. Très bien. Merci infiniment. C'est intéressant parce que justement, chacune de vous a une approche vraiment unique et différente. Du coup, c'est vraiment intéressant par rapport aussi à la technique que vous utilisez, le médium que vous avez. Et justement, en restant attaché au médium, j'avais une question plus précise sur les étapes de création, parce que j'imagine qu'elles seront différentes par rapport à vos contraintes. Et les matériaux que vous utilisez, la posture aussi que vous êtes entre guillemets obligé à adopter vis-à-vis des œuvres que vous créez, et enfin le format, parce que ici aussi on a des formats très différents. Certaines fois au sein du même peintre, du même artiste, ou au contraire, un format très régulier. Voilà, il y a beaucoup de questions, je peux répéter si jamais. Oui, ne vous inquiétez jamais. Pas. Voilà. Alors, les étapes de création. C'était quoi la question? Les étapes de création. Comment est-ce que ça se déroule, étapes. Les matériaux En fait, je ne sais pas comment dire, mes peintures ont une base de collage pour arriver après à la peinture. Donc le collage est fait à plat parce que sinon tout coulerait. C'est juste technique, hein, c'est pas du tout. J'aimerais mieux travailler comme ça, mais je travaille comme ça. Pour les grands tableaux de 8 mètres de long, je me suis fait des ponts en bois pour travailler au centre. Quand je colle, toujours c'est un côté pratique. Et après, je mets le tableau comme ça, ou les panneaux, parce qu'il y a des peintures qui ont plusieurs panneaux tellement ils sont grands. Et je travaille toujours debout, ou alors sur un escabeau de chantier pour arriver à 3 mètres de haut, debout pour peindre. Voilà. Et il y avait une autre question. Les matériaux. Ah, les matériaux. Alors, ma peinture, elle est très compliquée parce que, comme il y a du collage, je ne veux pas que la colle se voie. Parce que, pour moi, le collage est un squelette de la peinture. Il faut que ça soit une peinture. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des éléments collés. Donc, la seule peinture que j'ai trouvée qui recouvre bien, vient d'Angleterre. Donc c'est super compliqué, surtout avec le Brexit, parce que les camions ne peuvent plus apporter des grosses quantités de peinture, et j'en ai besoin. Donc je commande des tonnes de petits cartons de peinture qui arrivent d'Angleterre en France. Et voilà. Et c'est tout, hein. C'est de l'acrylique. Qui m'a posé la question? C'est de la peinture acrylique, mais par contre, dans les femmes, il y a des tableaux, il y a de la peinture à l'huile, il y a des tableaux, par exemple, les oiseaux qui sont là sont faits en pastel, Parce que quand je voyage, j'ai toujours un sac de travail pour avancer le travail, parce que j'ai trop de travail et pas assez d'heures, bien que je travaille sans cesse. Donc il y a du pastel, la peinture acrylique, de l'huile. Et est-ce que vous faites un usage différent, justement, acrylique, pour certaines formes d'expression et huile pour d'autres? Un dosage? Non, est-ce que vous en faites un usage différent pour des formes d'expression différentes? Oui, parce que pour moi, le plus important, c'est la peinture acrylique, pour moi. Et le pastel n'est là que pour des éléments. En fait, le pastel, ça a commencé avec mes enfants quand ils étaient petits, si vous voulez tout savoir. C'est que je m'embêtais beaucoup de perdre du temps à les surveiller à la plage, à la piscine, en attendant la bibliothèque, le cours de tennis, machin. Donc, je ne pouvais pas emmener des grands tableaux comme ça, donc j'amenais des petits bouts de carton. Et en attendant pendant une heure, une demi-heure, tout ça, on ne peut pas commencer de la peinture avec de l'huile ou de l'acrylique. Donc, le pastel était parfait. Et ça m'a permis de travailler pendant des années tout en élevant des enfants. Vive le pastel et vive les enfants. Alors, mon niveau technique, c'est assez simple, puisque j'utilise du papier que je fabrique. Donc, c'est des feuilles assez, qui peuvent être épaisses ou plus fines, tout dépend comment, ce que j'ai envie sur le moment. Et j'utilise de l'encre de Chine, un pinceau, et maintenant du pastel. Vous avez dû voir mes dessins en couleur. Donc, c'est du pastel sec. Bon, bien sûr, j'ai de la colle neutre. J'essaye d'être très... que le papier ne jaunisse pas, donc j'utilise du matériel adéquat. Donc de la colle neutre, qu'est-ce que j'utilise encore? Du papier donc, qui vient du chiffon, les pastels par contre, là, c'est des pastels secs, là, par contre, à ce niveau-là, techniquement, je ne sais pas trop comment c'est fabriqué. Mais on va faire confiance, voilà. Donc, quand je suis sur ma surface, sur ma surface, donc voilà, je fais mon dessin, comme je vous ai dit tout à l'heure, je construis. Tout est lié. Pourquoi c'est lié, ça, je ne sais pas, mais ça, c'est une autre question. Et quand tout le dessin est fait, je regarde si la composition me convient. Et là, en général, je vois plein d'erreurs. Il y a plein de fautes, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et j'ai, depuis, je vous parle de ça depuis 30 ans, en fait, hein. Je colle des bouts de papier blanc sur les endroits qui ne vont pas et je recommence mon dessin. Ça peut, des fois quand j'ai des périodes un peu obsessionnelles, je peux en coller beaucoup de bouts de papier pour refaire le dessin. Donc on peut s'apercevoir sur certains dessins qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Voilà, ça vient de là en fait. Je cherche vraiment ma perfection, en tout cas, c'est pas la perfection en général, c'est une certaine perfection. Et ma technique, c'est celle-là. Voilà. Donc, oui, je crois que j'ai répondu. Je ne vois pas. Et les formats, c'est contraint? Au niveau des formats, il y a 20 ans à peu près, je faisais des formats beaucoup plus grands. Alors, pourquoi? J'avais peut-être la folie des grandeurs, je ne sais pas, j'en sais rien, c'était plus grand. Ensuite, j'ai eu beaucoup de tendinite au poignet, donc j'étais obligée de changer ma façon de travailler. Je travaillais sur une grande surface, donc je la roulais, je ne sais plus comment je faisais, même s'il y avait des plis, je la roulais, j'allais travailler dans les plis, comme ça. Puis à un moment donné, je ne pouvais plus le faire. Donc j'ai trouvé d'autres techniques pour justement pouvoir continuer sans me faire trop mal. Voilà. Et puis en ce moment, j'ai envie de travailler plutôt. C'est un travail assez intimiste que je fais, donc je n'ai pas forcément besoin de grandes surfaces. Pour l'instant, on ne sait jamais. Hein, je sais pas, hein, on parle au présent. Hein, voilà. Tu travailles à plat ou... Ah oui, alors justement par rapport à ça, oui, alors je travaille à plat, j'ai une table qui est un tout petit peu penchée. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de l'écriture en fait. J'arrive pas du tout à travailler au mur. Et voilà, à une époque j'étais assise, maintenant je suis debout parce que je pense que c'est une question pareille, c'est physique. Le physique entraîne des changements dans la manière de travailler. Eh bien, moi, j'ai un, j'ai, donc, je, travaille avec une chambre photographique, un appareil grand format à l'argentique. Donc c'est un négatif qui mesure 10 cm par 12 cm. Donc c'est une chambre, en fait, c'est un appareil qui nécessite d'être sur un trépied. J'ai des temps de pose assez longs et j'ai un voile noir au-dessus de la tête. Et donc l'image apparaît dans un dépoli inversé gauche-droite et haut-bas. Donc ça, c'est pour l'outil. Ensuite, je travaille généralement dans des lieux que je trouve, souvent sales et froids, de préférence. Sans électricité, voilà. Donc j'ai souvent des éclairages sur batterie, par exemple, et ensuite je vais travailler, la photo elle arrive après un long processus, donc je fabrique des décors, donc je me fais aider par un ami qui s'appelle Hervé, qui m'a par exemple dans cette série fabriqué des facsimilés de ces appareils optiques du 19e siècle, donc il y a tout un travail préparatif avant de faire la photographie, trouver les matériaux, donc je vais beaucoup chercher dans au Emmaüs par exemple, donc j'ai un entrepôt où j'ai pas mal d'objets de récupération, de choses qui vont être utilisées pour tel ou tel projet. Ensuite, je mets en place mon décor, je trouve mes modèles, j'éclaire la scène, j'éclaire d'abord la scène et ensuite viennent les modèles, et donc je fais ma photographie. J'ai utilisé la chambre assez rapidement pour toutes ces raisons-là, parce que le temps de la photographie, ça peut être une pratique finalement assez rapide, assez immédiate. Et moi, j'avais besoin de poser un temps, un peu comme les temps que vous décrivez aussi, c'est-à-dire un temps à part, comme une bulle. Et la chambre m'a permis ça, parce que je suis plutôt speed, et ça m'oblige à me tranquilliser. Donc c'est vraiment c'est devenu assez obsessionnel. C'est un monde. Enfin, quand je suis sous mon voile, je suis avec mon image. Je ne suis plus avec une réalité, je suis avec la réalité d'une image. Donc ça m'intéresse en particulier. Et ensuite, la chambre permet aussi de faire des agrandissements assez conséquents, parce que le négatif étant grand, en fait, on a beaucoup de détails. Donc là, c'est les formats maximum que je pouvais travailler en fait avec mon labo. Et j'aimerais bien arriver à faire du plus grand aussi. Donc voilà, je suis en train de travailler aussi sur ces projections-là. Voilà. Merci beaucoup. Moi j'aimerais... Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais si on peut garder toutes les questions qu'on a à la fin, comme ça, après on dévoile tout, tout d'un coup. J'avais une autre question qui rejoint un peu le début de notre conversation, qui était liée aux souvenirs d'artistes. Parce que, par exemple, Marie et Isabelle l'ont déjà dit, un peu ce souvenir d'artiste qui est présent depuis toujours, pour certaines. Mais Delphine ne nous l'a pas encore révélé. Du coup, j'aimerais bien savoir son souvenir d'artiste. Et également, quand est-ce que vous avez pris conscience que c'était pas que votre perception en vous, mais que aussi les autres avaient vous reconnaissez comme artiste femme, mais comme artiste tout court. Et en même temps, est-ce que vous avez eu depuis le début de votre pratique un lieu où pratiquer, un atelier, un espace à vous? Voilà. Alors pour le souvenir d'artiste, c'était par rapport à cette maison. Donc après, ça a été un peu un long processus de se dire je suis artiste, parce que moi j'ai toujours cru qu'artiste c'était pas un métier. Donc même quand j'ai fait des études d'art, c'était pour embêter mes parents. Donc ça m'a pris du temps à me dire que en fait ça pouvait être possible et que c'était une volonté. Voilà, donc c'est beaucoup moins depuis le début que mes deux collègues. L'atelier, c'est ça? Moi, j'en ai pas. J'ai pas d'atelier. Du coup, c'était toujours l'idée de trouver des lieux qui pouvaient être le décor de nouveaux projets. J'ai toujours pas d'atelier. Je pense que j'aimerais bien en avoir un maintenant, c'est sûr, pour pouvoir expérimenter et avoir un lieu de travail, en fait, aussi. Donc, je suis en recherche d'un lieu. Et après, je crois qu'il y a autre chose. Quand est-ce qu'on devient... Les autres, quand est-ce que... Ah oui. Cette reconnaissance... d'être artiste. C'est un long chemin, C'est un long chemin qui est toujours, je trouve, à construire et à... Ouais, c'est, pour moi, c'est, enfin, je sais pas, il n'y a rien d'acquis. Déjà, je pense que c'est une réflexion personnelle, parce que pour moi, ça a été très long d'assumer, d'accepter et d'envisager que ça pouvait être ça, ma vie. Donc, c'est plus quelque chose d'intérieur que d'une... Après, évidemment, il y a des reconnaissances par les institutions, les résidences qu'on fait, les articles qu'on peut avoir aussi, mais c'est, je peux pas répondre parce que je trouve que c'est, enfin, moi j'ai même du mal à comprendre, oui. C'est ça, c'est un peu fragile. Alors donc souvenir d'artiste, voilà, ouais. Alors le souvenir, bon, je vais pas peut-être le répéter, non, voilà. Et bien après, quand est-ce que vous avez compris d'être artiste aussi aux yeux du monde et l'atelier dans lequel vous travaillez, si vous avez changé. Oui, alors ce que je voulais juste dire par rapport au souvenir d'artiste, c'est qu'en fait, dernièrement, en écrivant ce texte, je me suis plongée là-dedans. En fait, ça a été une révélation. Je serais venue ici il y a un mois, je n'aurais pas parlé, parce qu'en fait, je ne le savais pas encore. Mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres révélations après. Voilà, c'est ça. Mais je trouvais que c'était assez beau qu'en fait... À tout âge, on peut ouvrir de nouvelles portes. Il y a de nouveaux territoires, on se crée de nouveaux territoires. Et par rapport soit à un traumatisme, ou ça peut être par rapport à un accident. Il y a beaucoup d'artistes d'art brut ou autres d'ailleurs, qui, après un accident ou après une rupture, ou après, voilà, quelque chose qui fait que, de toute façon, on a, en principe, quand on est sur Terre, on a envie de rester en vie. Donc on est bien obligé de trouver des formules pour avancer. Mais ça peut venir aussi. Enfin, je ne sais pas. Bref. Après, comment je... Le regard des autres, enfin... Oui. Oh, ben, ça s'est fait, en fait... après avoir travaillé dans mon atelier, bah, comme beaucoup, hein, tout seul, des fois désespéré ou pas, parce que bon, moi, je suis vraiment partie, je me suis vraiment... Je n'avais pas du tout d'argent, de famille, rien du tout, donc il a fallu que je travaille à côté, il a fallu... Ça ne se fait pas non plus comme ça, mais j'avais toujours cette obsession d'être artiste, donc du coup, je me suis trouvé un atelier, même s'il était minable, j'avais un atelier. Ensuite, j'en ai eu un autre, et puis au final, j'ai fini par travailler chez moi, parce que je trouvais que c'était plus pratique. Et puis, de toute façon, je n'avais pas de quoi me payer l'atelier plus l'appartement. Donc, moi, c'était simple. En fait, quand je suis arrivée à Lyon, après quelques années de travail acharné dans mon atelier, j'ai fini... à un moment donné, je me suis dit, bon, je crois que mon travail, ce que j'ai fait là, en tout cas, je peux le montrer. Donc, j'ai fait des photos, j'ai fait un petit dossier. Il y avait mon petit dossier. Je suis allée voir les galeries à Lyon. Et j'ai vu plusieurs galeries. Et deux m'ont proposé de m'exposer, j'en ai choisi une, et puis au bout d'un an ou deux, il m'a proposé une exposition, et puis voilà, c'est parti comme ça en fait. Hein, c'est, voilà, et puis après, la foi, ça continue. Alors, l'atelier, chez moi, ça a commencé tout de suite, quand on voit les photos de mes ateliers. De mon premier atelier, je devais avoir 4 ans. On voit bien que ma chambre d'enfant est une chambre de peintre. C'est tout simple à voir. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler. Ce n'est pas tellement l'atelier. L'atelier, c'est l'endroit où je vais travailler. Mais donc, il se crée par rapport au travail. Donc, à 7 ans, je peignais le mur de ma chambre parce que mes parents me laissaient très libre. Et il y avait des papiers partout, l'atelier était là, et l'atelier ne m'a jamais quittée. Maintenant, j'en ai 7, parce que je suis un peu boulimique de travail, donc j'ai beaucoup, beaucoup d'ateliers. Mais j'aimerais en avoir encore plus. J'aimerais bien avoir ce lieu pour peindre. Ça me plairait beaucoup. Mais bon, je ne sais pas si M. Digny accepterait qu'on change son projet de musée. Après, l'autre question, c'était... Eh bien, c'était lié à la reconnaissance, oui. Non, c'est ça. C'est ça. J'attends pas tellement de reconnaissance. Moi, je travaille vraiment que parce que je dois peindre. Après, l'aventure d'un tableau, c'est son aventure à lui, et le regardeur a des avis tellement différents entre l'un et l'autre que ça me concerne plus. Moi, mon seul but, c'est d'arriver à faire tous les tableaux que je veux faire avant de mourir. Donc, je me demande ce que je fais là. Non, mais c'est vrai. Désolée de vous faire perdre du temps précieux, mais merci encore pour être ici. Et mais justement, parce qu'on a pu voir certaines photos de votre atelier dans lequel on trouve vraiment des objets de partout, au moins dans certains. Ici aussi, on vous a demandé à tous les trois de choisir des objets à montrer au public qui ont une signification particulière et qui montrent un peu les coulisses de votre atelier. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer vos choix, pourquoi vous avez choisi les objets qu'on peut retrouver dans les vitrines ici exposées pour avoir une idée, puisqu'on est tous assis, pour répéter un peu ce qu'on trouve dans la vitrine de Marie Morel, par exemple, on va trouver des pinceaux vraiment beaucoup, beaucoup utilisés, des palettes, on va trouver aussi des matières comme la serpillière, des branches ou encore des plumes. Et aussi un livre qui montre les ateliers de Marie Morel. Je pense que c'est... Et une lettre que Marie Morel a expédiée à notre commissaire, à notre conservatrice en chef. Et ça, c'est pour la vitrine qu'on trouve juste là. Dans le cabinet de Delphine Ballet, on va trouver justement le livre de Créry, L'art de l'observateur, un plan film, une loupe pour regarder le plan film, un facsimilé de un phénakistikoscope. J'arrive pas à le lire. Et aussi une photo de la chambre photographique que Delphine utilise. Voilà. Pour Isabelle, on va trouver bien sûr du papier vierge qu'elle crée elle-même, les amulettes qui ont été une de ses aspirations, en tout cas qu'elle a récupérées par un voyage en 1995. Voilà. Après, on va trouver aussi les pinceaux pour dessiner à l'encre, de l'encre de Chine, et les essuies papier. Pour l'encre de Chine. Voilà, on a un récap de ce qu'on trouve comme objet. Maintenant, à vous. Donc en fait, je vais parler de ce qu'il y a dans les vitrines, c'est ça? Pourquoi on a choisi ça? Ah, pourquoi? Ah oui. Bon, bah, en fait, c'est, le papier, bon, bah, c'est évident, puisque c'est quand même ma matière première, et puis j'ai toujours été fidèle à ce papier. Donc, voilà. Ensuite, ben, les pinceaux, effectivement, je travaillais avec des pinceaux à l'encre de Chine, donc du coup, moi aussi, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de pinceaux très usés. Les pastels secs. Bon. Et puis les petites amulettes, oui, ces petites amulettes, c'est des objets que j'avais, quand j'avais fait un voyage à Bornéo, c'était pas à Bornéo, c'était à Bali, j'avais fait l'acquisition de petites amulettes en bois, et quand je suis rentrée dans mon atelier, chez moi, j'ai... Ces petits personnages en bois, vraiment, je les aimais beaucoup. Je les ai installés sur ma table de travail. Et je les ai vraiment... Il y a eu un rapport, on va dire, affectueux. J'ai un rapport avec les objets comme ça. Et je les ai beaucoup dessinés. Je les ai beaucoup... j'ai vraiment commencé, en fait, mon travail de dessin avec ces petits objets. Je les ai transformés. Je les ai... Voilà. Et c'est pour ça qu'on les a mis ici, parce que c'était un peu le départ, en fait. Et puis après, bon, bah, évidemment, je ne les ai pas laissés tomber. Non, non, pas du tout. Ils sont toujours là. Je les ai toujours. J'en ai 17, donc je les ai. Et, mais bon, bah, mon alphabet graphique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est enrichi avec d'autres choses. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Oui, les petits mouchoirs en papier. En fait, quand je dessine, j'ai un pinceau qui est très fin, mais je l'essuie sur un mouchoir en papier pour que la pointe du pinceau soit très, très fine, en fait. Et donc, je trouve que je les ai toujours gardés, en fait. C'est un peu une trace de mon travail. En fait, moi, je n'ai pas grand-chose hein, sur ma table de travail. À l'inverse de Marie, c'est tout l'inverse, en fait. J'ai vraiment pas. Bon, j'ai évidemment, j'ai des objets, mais ça, voilà, c'est tout l'inverse, on va dire. J'ai vraiment pas grand chose sur ma table de travail. Mais ben, chacun, heureusement, on est tous particuliers. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Il y a une petite chouette aussi. Ah oui, voilà, oui, oui, c'est mon rapport avec les objets. Là, j'ai un rapport, j'aime bien capter leur, ce qu'elles pensent. Et je pense que ces objets m'amènent des choses dans mon travail. Je pense que ce n'est pas du tout, ce n'est pas des histoires que je me raconte. Ça, c'est, elle m'aide à dessiner. Cette chouette, elle tient ma feuille, en fait, tout simplement. Elle est toujours là, elle est toujours à côté de moi. En fait, comme je suis seule quand je dessine, évidemment, je suis seule, je n'écoute même pas de la musique. Hein, moi, c'est vraiment le silence total. Je pense que ça, elle m'accompagne. Voilà, moi, je ne suis pas du tout seule. Je suis accompagnée par tout ça. Même s'il n'y a pas grand-chose sur ma table, en tout cas, il y en a deux, trois qui sont bien choses. Non, tu as déjà parlé, je suis... Non, pas encore. Alors, dans la vitrine, dans ma petite vitrine, il y a des palettes. Élément indispensable du peintre, la palette. Et moi, j'utilise les cartons d'invitation de mes copains peintres. Et c'est toujours à peu près le même format, ces cartons, parce que ça tient dans des enveloppes classiques. Et recto verso, voilà, je m'en sers pour faire mes tableaux. J'en ai peut-être 1000 chez moi de palettes. Parce que je les garde tout. J'ai un problème, c'est que je garde tout. Même mes amants. Nul. Après, il y a quoi ? Il y a de la serpillière. Alors ça, c'est parce que je trouve que le fil de serpillière, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est super intéressant, c'est de défaire les serpillières, parce qu'elles sont faites avec du fil de coton, et ce fil est magnifique. Franchement, il n'y a pas plus beau qu'un fil de serpillière. Du coup, depuis des années, je mets ça dans mes peintures. Ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et il y a un gros problème depuis 4 ans à peu près, c'est que ce monde moderne fait des serpillères, on pourrait dire comment, chimiques. C'est plus du coton, c'est de quoi ? Synthétique, voilà, merci. On va collaborer. Et ouais, mais d'ailleurs, ça nettoie bien moins bien. Et donc, pour moi, c'est une catastrophe. Donc, mais dans mon malheur, il y a bonheur. Attendez. Je récupère toutes les vieilles serpillères que je trouve partout et elles sont vendues moitié moins cher. C'est extraordinaire. Donc, chez moi, il y a des piles de serpillères. Maintenant, je commence à rigoler parce que je me dis, mais t'en as trop. J'en ai vraiment trop pour... j'en ai peut-être pour 30 ou 40 ans encore de serpillères en stock que j'ai eu moitié prix. Et donc, quand mes enfants vont venir visiter les ateliers quand je serai morte, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces serpillères ? C'est vraiment catastrophique. Et le troisième élément, c'est des plumes d'oiseaux. Alors ça, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé les oiseaux, donc ils viennent dans mes peintures, et je ramasse les plumes, puisqu'elles sont à personne, j'ai le droit. Et là aussi, je ramasse, je mets dans des cartons, il y a des plumes, mais il y a des gentilles personnes qui se sont aperçues que j'aimais les plumes. Donc, sans arrêt, j'en reçois par la poste. Donc ça s'accumule, j'ai des plumes, c'est terrible. Je suis obligée d'acheter de l'antimite pour éviter qu'il y ait des vers qui se mettent dedans. Mais par la poste, il m'arrive des fois des gros paquets de plumes. Hein. Et depuis quelques temps, depuis un an à peu près, j'ai même des paquets de plumes devant ma porte. Mais alors là, c'est des gros, gros trucs de plumes. Et je ne sais pas encore qui met ça. Alors si le coupable est ici, qu'il se dénonce. Parce que je voudrais quand même le remercier et puis lui dire que peut-être ça suffit. Donc voilà le matériel. Moi j'ai mis vraiment en relation des objets en relation à la série photo. Donc le Phénakistenin. Je l'ai mis parce que je ne l'ai pas encore photographié. Parce que c'est un facsimilé, c'est un objet qu'un ami justement m'a fabriqué. Ce livre de Jonathan Crary, parce que ça a été une révélation pour moi de lire ce livre, et surtout un passage où en fait il y a un peintre qui travaille qui est en extérieur, il y a un village derrière lui, et le peintre est comme dans une sorte de grande caméra obscura, enfin c'était une caméra obscura, et donc il fait dos au sujet qu'il peint, et en face de lui il y a un petit trou dans son dos, et donc en face de lui il y a la projection du paysage qui est inversée au bas, gauche, droite. Et cette gravure, je l'ai trouvée absolument sublime parce que voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on... Enfin, il y a quelque chose que je trouve moi dans ma pratique, c'est aussi comment est-ce qu'on comprend le monde en l'observant, mais non pas face au paysage, comme un peintre d'ailleurs pourrait l'être, mais en s'excluant de celui-ci et en travaillant plutôt sur le reflet, sur la projection du paysage pour le comprendre davantage. Et cette gravure que j'avais déjà vue, mais que j'ai comme comprise au travers des lignes de Jonathan Crary, ça a beaucoup nourri ce travail, et puis même ma réflexion plus largement. Le plan film, c'était pour montrer aussi aux spectateurs l'outil, le négatif argentique, parce que c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup. Et la loupe, effectivement, après, moi je m'en sers pas vraiment de la loupe, parce qu'en fait, effectivement, avant on avait une table lumineuse où on regardait son plan film à la loupe, mais maintenant je l'ai fait numériser, donc finalement je les vois en fait après sur l'écran de l'ordinateur, et c'est tout. Voilà. Alors, puisque je sais que vous êtes nombreux et que vous avez des questions à poser, je vais arrêter nos questions à nous pour vous laisser à vous la parole, parce que on a quand même de la chance. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Merci beaucoup. Hein. C'est pas si fréquent de pouvoir avoir des avis aussi personnels d'artistes. C'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir organisé cette séance. Alors moi, j'ai une question pour vous, Delphine Ballet, parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris le fonctionnement de la champ photo. Ce que j'ai compris quand vous expliquiez, c'est que moi je comprends une caméra obscura, c'est-à-dire une projection inversée sur un vitrage dépoli au bas, etc. Et je vois pas où est l'appareil photo là-dedans. Ah, c'est l'appareil photo. Une champ photographique, en fait, c'est une boîte. Vous m'entendez bien sur le micro ou pas? Ouais. Oui. Donc c'est une boîte en fait. Initialement, c'était une boîte en bois. Sur la face avant, il y a un objectif. Oui. Voilà, et en fait, il y avait un système de soufflet pour faire la mise au point, pour plus ou moins déplacer le corps de l'appareil par rapport au sujet et faire la mise au point. Et au dos, il y a un dépoli, c'est-à-dire en fait une sorte de fenêtre quadrillée dans laquelle en fait l'image s'affiche donc inversée. Mais c'est vraiment une caméra. La caméra obscura, c'est vraiment l'ancêtre en fait qui a donné lieu finalement à fabriquer ça en miniature quelque part, qui s'est devenu un peu des premiers appareils photographiques. Alors, enfin, je suis complètement néophyte en photo, mais qu'est-ce que ça change de photographier avec une chambre comme ça par rapport à un appareil Ça change le rapport au sujet. Ça change tout parce que déjà on est, cette chose où on s'isole. Sous le voile noir, et où l'image est sur le dépoli inversé gauche-droite, mais il y a une lumière qui rentre dans la caméra. Et donc, on est déjà dans la représentation ou dans son image. Parce que, par exemple, mais imaginons, ça, c'est le studio. Je vais avoir un décor, je ne vais pas faire un décor sur la longueur, je vais avoir un décor là. Donc, mes yeux, ils voient ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, mais ce qui ne m'intéresse pas. Et en fait, ce qui est magique dans la chambre, c'est qu'en mettant le voile noir, je cadre et je n'ai que que j'avais pensé. Donc je suis dans mon image, et c'est une apparition, c'est l'apparition de l'image, et ça je l'ai pas avec l'appareil photo, parce que je suis comme ça, Et après, il y a des appareils moyen format aussi, de, voilà, où on est plus comme ça au-dessus, en fait, où on voit l'image. Mais c'est vraiment l'apparition de l'image. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose d'assez magique dans cet appareil photo. Et après, techniquement, c'est très qualitatif quand on fait des grands tirages, parce qu'on a beaucoup plus de détails. Donc, c'est vraiment un rapport au monde que ça m'a appris, en fait, moi, cette chambre photographique. Donc, c'est encore utilisé hein, par beaucoup de photographes. Donc, en fait, c'est des chambres argentiques. Donc, on conserve aussi une forme de tradition de l'appareil photo du 19e siècle. Voilà, où on se déplace, c'est lourd, c'est pas pratique, mais ça fait partie de l'exercice, on va dire. Donc, on arrive, s'il y a une influence donc, sur la composition, ah oui, bah, et le qualitatif est complètement différent, c'est-à-dire qu'au niveau profondeur de champ. C'est ça, etc., voilà, ah oui, en plus il y a ça, effectivement, vous avez raison. Caractéristiques très différentes. Vous n'êtes pas du tout néophyte. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a, voilà, il y a un rapport à la netteté, on peut vraiment choisir sa mise au point. Et pour vous dire, les chambres photographiques, il y a beaucoup de photographes qui font de l'architecture, qui les utilisent. Parce que vous savez, quand on veut prendre un bâtiment, on a des lignes de fuite. Et en fait, grâce à la chambre et à des procédés, en fait, tout bouge dans une chambre. En fait, c'est comme ça, mais je peux faire bouger comme ça, je peux faire bouger juste le corps avant et avoir le corps arrière plan. Donc, en fait, je peux redresser les perspectives. Alors, moi, ça, je n'utilise pas parce que je ne fais pas de l'architecture, mais c'est un appareil qui peut être d'une utilisation complexe pour mettre le monde tout droit, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je sais pas. En fait, je sais pas parce que c'est vrai que des fois, je veux pencher la tête comme ça pour remettre à l'endroit. Mais c'est vrai que c'est une gymnastique, mais je pourrais consciemment, je sais pas. Je sais pas comment. En tout cas, ça m'a plu de voir à l'envers. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça a dû influencer ma manière de travailler? Ça, évidemment. Mais après, j'ai acheté là récemment parce que je travaille avec un chef opérateur et qui pétait les plombs parce que. Il me disait, c'est vraiment trop pénible ton truc, là, c'est tout à l'envers. Et quand on travaille des éclairages sur une petite partie de l'image, ça lui était compliqué. Donc j'ai acheté un appareil qui redresse, en fait. Mais bon, je le regarde un peu de manière un peu snob parce que j'aime bien ce principe. Mais oui, ça doit changer, ça doit avoir une influence. Mais exactement laquelle, je ne sais pas, en fait. Non. Je suis désolée. Je voulais demander à Isabelle Charousse, comment vous est venue l'apparition, j'allais dire aussi, l'autorisation de la couleur? Oui, ben ça c'était une... En fait, la couleur, tous les deux ans à peu près, dans cette trentaine d'années de travail artistique, j'avais envie de faire de la couleur. Donc je m'arrêtais, j'essayais un peu, mais je ne sais pas, je n'y arrivais pas. Pourtant, à l'école, quand j'ai fait l'école des Beaux-Arts, je faisais de la couleur. Mais quand je suis sortie, en fait, j'ai tout changé. J'ai tout. Il y a eu vraiment une rupture totale. Donc, bref, il y a 3 ans, là, ça n'a pas vraiment de rapport avec le confinement, mais peut-être un petit peu, je ne sais pas trop. Mais enfin, en tout cas, en fait, je crois que j'ai fait un burn-out complètement de mon travail artistique. Je ne supportais plus. Je ne supportais plus de faire du noir et blanc. Je ne supportais plus de dessiner. Enfin, bon, ça a été une... La vraie crise, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais celle-là, elle était énorme. Par rapport au travail du dessin, hein, je parle, hein, vraiment. Parce que, bon. Et j'ai eu cette obsession-là de faire de la couleur. Je voulais absolument qu'il y ait quelque chose qui change, sinon j'arrêtais d'être artiste. C'était vraiment... D'ailleurs, c'est au moment où je me suis dit « je vais arrêter d'être artiste » où ça s'est un peu débloqué. Et donc, j'ai essayé plein de trucs. J'ai commencé par le pastel sec, d'ailleurs. Mais je ne devais pas avoir la foi, hein, parce que j'ai bien essayé des choses. Au début, je trouvais ça bien, et puis je laissais tomber. Ça a été pendant 2 ans, j'ai commencé de nouvelles techniques. Je trouvais ça bien, et puis au bout d'un mois, 2 mois, je laissais tout tomber. Ça a duré pas mal d'années, 2 ans, 3 ans. Et puis, un jour, ça s'est déclenché, en fait. J'ai eu une intuition, Et j'ai suivi cette intuition. Cette fois-ci, je l'ai vraiment suivie. Enfin, non, je ne dis pas cette fois-ci, parce que je n'avais pas eu avant, par rapport à la couleur, en tout cas. J'ai eu une intuition, et je l'ai suivie, et je l'ai suivie tout de suite. Voilà. Donc, en fait, mon intuition, je l'explique un petit peu dans mon texte. J'avais fait un dessin. J'avais fait trois fleurs en couleur jaune. Oh là là, j'avais l'impression que j'avais fait, mais j'avais fait de la j'avais fait un travail de couleur incroyable, quoi. Mais vraiment, j'étais bloquée, quoi. Je me dis, ah, j'ai fait de la couleur, là, j'ai mis du jaune. Une fois, je l'ai montré à une copine. Elle m'a dit, bah ouais, mais elle était un peu gênée, quoi. Mais je sais pas, j'étais complètement. Je crois que j'allais pas. Ouais, j'étais un peu fatiguée, quand même, psychologiquement. Et puis, donc, quand j'ai eu cette intuition, j'ai vu le dessin qui était sur ma table, j'ai vu le ciel. J'ai entendu dans ma tête, j'ai entendu ciel rouge. Quoi ? Moi, faire un ciel rouge ? Utiliser du rouge ? Et je me suis dit, ouais, c'est quoi ça ? Non, je vais me coucher, parce que moi, je n'allais pas bien, je dormais beaucoup. Et puis, je lui ai dit, non, tu as eu une intuition, tu vas l'écouter. Parce que j'y crois quand même, hein, j'y crois beaucoup même. Tu vas l'écouter, tu vas le faire tout de suite. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc, c'était à peu près 21h, 22h. Et je l'ai fait. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, je l'ai fait. Et puis, bon, du ciel rouge, j'ai fait tout le tour rouge. C'est celui que vous voyez là. Et puis, j'ai continué. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est débloqué, en fait. Tout s'est débloqué ce jour-là, à ce moment-là. Vous voulez savoir le moment précis ? C'est vraiment à ce moment-là. Voilà, j'ai écouté mon intuition. Et c'était un moment... bon, donc, j'imagine que... était très fort. Est-ce que tu l'as... Enfin, est-ce que c'est... Quand tu dis ça s'est débloqué, mais tu as analysé en même temps, enfin, c'est intéressant ce moment-là. Oui, parce que vraiment, c'est pour ça que j'ai raconté l'anecdote des trois fleurs jaunes. Ouais. J'avais l'impression que j'avais fait un truc extravagant au niveau de la couleur. Oui, j'ai senti que vraiment quelque chose s'était débloqué à ce moment-là. C'était un moment heureux. Mais je crois qu'aussi, j'ai respecté mon intuition, j'ai respecté ce que j'ai entendu dans ma tête. Voilà, une vision, on peut dire. C'est-à-dire, j'ai aussi, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai une vie beaucoup plus spirituelle. Donc, je pense que ça, c'est aussi en rapport, même, j'en suis sûre. Mais là, c'était vraiment, je l'ai vraiment entendu dans la tête. Enfin, vraiment, je me suis retournée, je regardais mon visage, je me suis dit, ah, pas. Voilà. Oui, il y a vraiment eu ce rapport. Mais je pense que ça vient de j'ai une vie spirituelle de plus en plus intense. Et puis maintenant, je crois en Dieu, alors qu'il y a quelques années, je ne croyais pas en Dieu. Enfin, j'y croyais sûrement, mais j'avais la foi du... Non, j'avais même pas la foi du charbonnier, d'ailleurs, puisque je n'allais jamais... non, j'avais même pas la... Voilà. Mais maintenant, c'est... ça fait partie de ma vie, vraiment. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi respecté, cette vision, cette sensation que j'ai eue par rapport à la couleur. Je me suis dit, il faut le respecter tout de suite, parce que demain, ce sera fini, demain, je passerai à autre chose. Et demain, je ne vais plus y croire, parce que j'ai tendance à des fois, ne pas me faire confiance, enfin voilà, à être dans le doute. Et j'ai eu vraiment raison. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment... Pour moi, la couleur, c'est vraiment une ouverture, ça m'amène beaucoup, c'est très important, ça m'amène beaucoup de choses. Je continue le noir et blanc, c'est pas le problème, mais voilà, pour moi, c'est très très important, surtout parce que j'ai dépassé ce blocage. Voilà. Voilà. Est-ce que elle vous a répondu? Est-ce que quelqu'un a une question pour Marie Morel? Madame Morel, vous nous dites que vous n'avez pas de technique finalement parce que vos œuvres. Moi, j'entends pas bien. J'ai pas de quoi. Je vieillis. Non, c'est bon. C'est vrai. Je sais pas, vous m'entendez mieux maintenant? Ah, oui, vous disiez que vous ne faisiez pas de recherche parce que simplement vos œuvres, vous les avez en vous et que donc un jour, un beau matin, vous vous y attelez et vous faites ce que vous avez à faire. Je suis un peu étonnée, chaque fois, d'ailleurs, pas seulement par l'œuvre qui est derrière nous, par rapport aux oiseaux, qui est magnifique, mais aussi par exemple, l'œuvre qui est derrière vous. Je suis toujours suffoquée. C'est pas vous qui l'avez fait, hein. Oui, je sais. Non, mais c'est par rapport à la dimension, la dimension des œuvres. Chaque fois, et chaque fois, je vais régulièrement dans les musées, chaque fois, je vois des œuvres gigantesques. Vous la trouvez grande ou petite ? Je la trouve. Alors, vous parliez du... Voilà, j'y viens. Vous parliez d'une œuvre de 25 mètres de long, si j'ai bien compris, qui est en cours. Et c'est pareil, j'ai des points d'exclamation dans mon cerveau quand j'entends ça. Parce que je me demande, vous l'imaginez, vous l'avez, elle est finie. Vous la connaissez. Elle est finie. Et vous l'imaginiez à cette taille, de cette dimension. Ou est-ce que c'est quand l'œuvre, au fur et à mesure de sa création, est-ce que on se laisse embarquer, envahir et on ne s'arrête plus? Non, moi, dès le départ, je sais où je vais. Oui. Je ne vais pas quand même me perdre. Je ne sais pas. Pourquoi? Non, parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Donc, dès le départ, je sais que c'est ça et je le fais. Et donc, vous adaptez votre atelier, enfin votre technique à la dimension que vous avez déjà envisagée. Au départ, j'adaptais au camion pour les transports. Ah, d'accord. C'est bête, mais il faut que ça tienne dans le camion. Mais là, je pense que j'atteins un degré de folie démentiel, donc il n'y a plus question de camion, je fais les formats que je veux, on s'en fiche. Parce que, du point de vue technique aussi, ça m'interpelle aussi, l'œuvre qui est derrière vous, et tout en vous écoutant, je la regardais, je me disais, mais par où il a commencé, ça commence où, ça finit où, on s'y prend comment, les proportions, on fait l'école de l'art, c'est pour ça aussi, mais ça m'impressionne toujours. Voilà. Merci. Mais vous savez, moi, j'ai des amis. J'ai un ami qui est mathématicien. Il m'étonne aussi. Oui. Je pense que quand on ne fait pas le métier de l'autre, l'autre nous fascine. On se demande comment il fait. Même le boulanger. Moi, j'ai essayé de faire du pain. Franchement, il m'épate, le boulanger. Son pain est parfait. Donc je pense qu'un peintre qui fait ça depuis l'âge de 2 ans, il ne se pose pas de questions, il fait son boulot et tout va bien. Il a de la chance. Si vous avez des questions par rapport à Christine Guinamant, d'ailleurs même pour cette rencontre, sachez qu'on mettra les 3 rencontres en ligne sur le site, comme ça vous pourrez écouter les échanges qu'on a eus, même celles que vous n'avez pas pu écouter auparavant. Voilà, mais... On est filmé ? Non, mais... ils nous écoutent. Ils nous écoutent toujours. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? J'ai encore une question, oui. Mais pour Marie. Si ma maman écoute, j'ai dit beaucoup de conneries. Excuse-moi, maman. Continue, on dit. Simplement, dans le film, j'ai vu que tu disais que les grands tableaux, tu avais envie que ce soit de plus en plus grand parce que ça te paraissait très difficile de faire très grand. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose que la grandeur? Maintenant, tu as fait tellement grand, là, tu ne vas pas pouvoir faire tellement plus grand. Ça dépend si le musée d'Ini me laisse travailler ici. Ça, c'est pas... Tu verras avec ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui te paraît aussi impossible et que tu aurais envie de faire en dehors de la taille? Enfin, dans la peinture, quelque chose qui te semble inaccessible? Oui, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à la mort d'un enfant, par rapport à des thèmes que je n'ai pas vécu et qui me semblent extrêmement importants quand une femme perd son enfant pendant la guerre et qu'il y a à la fois l'injustice et ce drame, mais considérable. Comment peindre ça? Comment peindre ça? Et je n'ai pas trouvé encore la solution. Voilà. Il y a des choses que je n'arrive pas à peindre parce que je ne l'ai pas vécu, donc c'est vraiment très très dur. Et pourtant j'aimerais. Et puis une autre chose aussi que j'aimerais peindre, et alors là c'est, je ne sais pas comment faire, je voudrais faire un tableau de ma mort, analyser, peindre ce que j'ai vécu en mourant et ce passage de la mort. Et là je me trouve aussi coincée parce que je pourrais pas, donc je sais pas comment faire. Il y a des tableaux impossibles. Merci. Ça serait intéressant si la même question, Delphine et Isabelle, vous pouvez imaginer vous aussi des œuvres que vous aurez envie de faire, mais que c'est impossible pour vous. Sylviane, non, non. Je ne peux pas répondre à cette question. Okay. Parce que je l'ai expliqué par rapport à ma manière de travailler. Donc, comme pour moi, dès que, à l'inverse de Marie, dès que je commence un travail, pour moi, c'est tout nouveau, c'est comme une vraie naissance. Donc, du coup, déjà, dès que je fais un dessin, déjà, je réponds à votre question, en fait. Oui. Voilà. Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, là. Voilà. Donc, c'est de pouvoir de continuer, d'avoir le désir et la force des fois de continuer, de mettre d'aller dans des projets, je fais des films par exemple, c'est trouver l'énergie toujours de voilà, et ça, faire un film, oui, ça j'adore, ça c'est mon, enfin, de refaire un film, ça serait vraiment mon grand projet. Ouais. Est-ce que vous vous séparez facilement de vos œuvres? Est-ce que vous laissez partir facilement? Alors moi, c'est problématique parce que, par exemple, j'ai peint toutes mes grossesses et je ne peux pas m'en séparer. C'est pas que je les regarde, je regarde jamais mes peintures finies, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, par respect pour mes enfants, je ne peux pas. J'ai peint 3 tableaux à la mort de mon père. Je ne les regarde pas, mais je ne peux pas m'en séparer. En fait, tout ce qui fait partie vraiment de ma vie personnelle, je ne m'en sépare jamais. La même chose. Là, je commence à fatiguer, en fait. Ah, okay. Mais si, je me rappelle de. C'est quoi la question déjà? La séparation. La séparation. Ah, ben moi, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de mon travail. Alors, déjà, quand j'ai changé là. J'ai changé, par contre. Mais quand je prépare une exposition, alors déjà, je fais un emballage, mais qui est vraiment, je mettais des couches comme ça, quoi. Les gens, ils les recevaient. Même l'encadreur, quand je lui envoyais mes dessins, il mettait une demi-heure pour enlever le plastique. C'était un besoin de protéger, de protéger. Depuis, pas beaucoup. Maintenant, on va dire au jour d'aujourd'hui, j'emballe toujours très bien, mais quand même un petit peu moins, j'exagère un peu moins. J'ai une exposition dans le sud de la France, à Montpellier. J'y pense plus du tout, enfin je pense plus à mes dessins. Avant j'y pensais, maintenant j'essaye d'avoir confiance aux autres, voilà. Parce qu'en fait finalement tout s'est toujours très bien passé. Voilà, donc finalement voilà, j'essaye de faire confiance, et puis d'ailleurs c'est beaucoup mieux pour le moral. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a le problème des séries. Par exemple, je travaille sur une série des Châteaux d'amour, je travaille sur une autre série des Partitions, et je travaille cette série sur les Monumentales, sur un remerciement à la vie. Et tant qu'une série n'est pas finie, je ne veux pas la vendre. Parce que j'ai besoin d'avoir ce cheminement avant que ça ne m'appartienne plus. Une série ne peut pas être coupée pendant qu'on travaille. Et les gens ne comprennent pas toujours. Ils disent « Ah, mais ton tableau est fini. » Non, il n'est pas fini. C'est un tout. C'est un tout. Et après... Ben alors moi, j'ai un rapport vraiment différent. Bon, déjà, parce que la photographie, c'est des multiples, donc il y a moins ce rapport de séparation. Et au contraire, moi, j'ai une angoisse de voir tout ça s'accumuler, de voir qu'en plus c'est des choses lourdes, c'est de l'aluminium. Alors je me dis, si on veut les casser, il faut plier le truc, enfin péter le verre, brûler le cadre. Au contraire, moi c'est, qu'est-ce que je vais donner à ma fille ici, c'est qu'est-ce que je vais donner, parce que qu'est-ce que je donne après, je veux dire, quoi, qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait de tout ça. Donc moi je serais plutôt dans une optique de vider. Mais ça, c'est une grande question de l'artiste. On est de passage. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va, on va mourir. Et est-ce qu'on laisse à nos enfants ce merdier pas possible? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je me pose beaucoup cette question depuis quelques années. J'avais fait des travaux dans un... Cette question, elle m'est venue. J'avais fait un chantier chez une femme qui avait perdu son mari, qui était peintre. Et en fait, tu parlais du travail, le travail alimentaire. Je faisais beaucoup de chantiers. Bref, cette personne nous a demandé de faire dans un... Elle avait un garage, un appartement pour son fils. Et dans ce garage, il y avait une pièce qui était vraiment dédiée aux œuvres... c'était pas dédié, en fait, c'était un lieu de stockage où elle stockait les œuvres de son mari. Et en fait, ça m'a marquée parce qu'elle nous a fait visiter l'endroit à transformer et il y avait cette pièce. Et on sentait que c'était difficile d'y toucher parce que c'était l'homme qu'elle a aimé, c'était le travail de cet homme, il y avait un grand respect, voilà. Mais qu'en même temps, il y avait une charge, en fait. Et ça m'a marquée en me disant, mais oui, c'est vrai que... Voilà, encore de la peinture, ça se brûle, mais des photos contrecollées sur aluminium, c'est plus compliqué. Et moi, j'aimerais beaucoup créer une fondation d'aide aux proches ou aux amis des artistes pour à la fois que cette fondation les conseille que faire d'une œuvre quand la personne meurt, parce que parfois il y a vraiment des saccages d'une œuvre. Où les gens sont démunis, complètement démunis. Et comment protéger ces œuvres? Parce que ces fondations existent pour les écrivains. Il y a plusieurs lieux en France où les écrivains peuvent laisser toutes leurs archives. C'est fabuleux, c'est vraiment au point. Et il n'y a strictement rien pour les peintres. Et moi, j'ai beaucoup d'amis peintres, donc j'en vois qui meurent, je vois les proches, mais les difficultés énormes pour protéger les œuvres, énorme. Donc voilà, j'aimerais, si quelqu'un veut monter la fondation avec moi et qu'il a de l'argent. moi je rajouterais, on a la chance justement aujourd'hui d'être dans un musée. C'est sûr. Et ce musée, justement le but du musée c'est de conserver les œuvres, donc on a la chance d'avoir quelques œuvres dans ce musée. Prendre 5000 œuvres. Attends, je vais juste finir. Ouais. Voilà. Est-ce que finalement, 3 œuvres ou 4, enfin on ne va pas compter, ce n'est pas le problème, mais quelques œuvres d'un artiste, peut-être ça suffit, peut-être que le reste finalement, même si c'est détruit, et alors, de toute façon quand on est mort, on est mort. Hein. Voilà. Non mais il faut peut-être être un petit peu plus... Seulement pour dire spirituel. Que la question de l'archivage est vraiment une grande question. Oui, et chaque fois qu'on question. La pose, c'est aussi compliqué parce que dans les rendez-vous précédents, on l'a posé à vos collègues qui nous ont dit pour la plupart qu'ils n'ont pas d'archives de leurs propres œuvres. Du coup, aussi sauvegarder le travail de l'artiste après sa mort devient encore plus compliqué parce que souvent, il n'y a pas d'archives qui trace exactement toutes les œuvres de l'artiste qui a disparu. Du coup, c'est vrai qu'il y a cette grande question qui reste ouverte. Il y a des solutions qui sont sur la table, à voir si c'est possible. Et me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qu'il y a quelque chose de ce genre, une sauvegarde des archives d'artistes, qui est en place en Italie, mais pour les photographes. Ah, intéressant. Voilà. Pour les photographes. Pour les photographes. Du coup, certaines fois aussi, à l'international, on peut trouver des idées qu'on peut retranscrire et copier dans nos pays. Voilà, si jamais on a écho des archives peintes, pour des peintres, on vous le donnera l'information. Moi, j'ai toujours eu envie d'aider mes amis artistes. Je ne pense pas qu'à moi, je pense aux autres. J'ai monté une maison d'édition pour aider les autres. Et je vois que là, il y a un gros problème. Et je ne sais pas si j'y arriverai ou si des gens vont s'unir à moi pour y arriver. Parce que je ne peux pas toute seule. Et puis en plus, je dois travailler. Mais je veux vraiment trouver une solution au moins d'aide pour guider les gens, parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas quoi faire. Donc sur cet appel, ouais. espérons que avec cette note d'espoir de trouver une solution, puisque on touche bientôt à 1h30 de rencontre. Est-ce qu'il y a une toute dernière question pour terminer, ou vous êtes satisfait de cette rencontre? Voilà, si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours, même si quelque chose ne vous a pas plu, comme ça nous on pourra réajuster pour une prochaine fois. En tout cas, encore un grand merci aux artistes. Merci à vous. Merci beaucoup.